Encore une journée finie, rien de spécial ne s'est produit. Les études, la routine, si je détaillais, je ferais ton ennui. Arrivé chez moi, j'embrasse ma mère et je me cale devant la console. Vous me videz la tête, l'enfile est court, j'en ai ras-le-bol. Une heure après, on m'appelle, car il est l'heure de manger. Je lui dis que j'arrive une fois que j'aurai fini de ranger. Je m'installe à table, il est 20h et fait que j'allume la télé. Le JT va bientôt commencer, je veux savoir ce qui s'est passé. h 05, explosion dans un bâtiment. Un attentat faisant la mort de 1500 innocents. Les médias disent que Al-Qaïda l'a revendiqué. Mais c'était pas la première fois que cette nation se fait attaquer. Mais au final, à qui est-ce que ça a vraiment profité? Ça permet de justifier une guerre avec du pétrole à la clé. Mais comme c'était pas officiel, il faut éviter le scandale. Il vaut mieux le bourrage d'infos qu'ils veulent que l'on avale. 20h10, éclatement d'une guerre au Moyen-Orient. Je pourrais pas dire laquelle c'est, il y en a tellement. Mais franchement, ça me fait peur. Et ça m'arrache le cœur de savoir que des êtres humains peuvent infliger tant de douleur. Tant de balles sont tirées, tant de bonbons explosés, tant d'attentats tentés et tant de civils assassinés. Tout ça pour une terre convoitée ou une religion différente. L'espèce humaine sera-t-elle un jour un peu plus tolérante? 20h12, on nous parle de mondialisation, ce phénomène qui crée l'interdépendance entre les nations. Oui, je trouve ça cool l'unité, mais pas sans la diversité, car en la subissant, on perd l'originalité. La mondialisation veut qu'on se taise et qu'on soit bien sage. Elle veut qu'on adore l'argent et qu'on en veuille davantage. On nous fait miroiter liberté et prospérité, mais ces illusions sont éloignées de la réalité. 20h16 sur la N12, terrible accident de voiture, une collision. Aucun survivant, la première contenait une famille sur la route des vacances. Ils avaient 7 heures de route, mais pensaient avoir de la chance. L'autre contenait 3 jeunes avec leur bac à fêter. Ils étaient fatigués et ne pensaient qu'à aller spiouter. L'analyse de sang des jeunes révéla un fort taux d'alcool. Ils n'ont pas pensé aux conséquences en prenant la bagnole. 20h18, une fille portée disparue est retrouvée. Ne parlant pas, les rappeurés, les vêtements déchirés. Elle a eu affaire au plus horrible de tous les prédateurs qui ne répond qu'à ses pulsions, que tu sois majeur ou bien mineur. Il a détruit son avenir, ses rêves de trouver le prince charmant. Envers les hommes, elle éprouvera du dégoût uniquement. Un pédophile viole une fillette, pour lui c'est juste une levrette. Pour elle, sa vie part en sucette, t'étonnes pas si nos mères s'inquiètent. 20h20, on nous annonce un taux de chômage aberrant. 10% de chômeurs en France et 500 000 mendiants qui sont contraints de faire la manche, de dormir sous un lampadaire. Qui bénissent les restos du cœur, ouverts en hiver. L'aide nécessaire se dirige vers d'autres poches. Angelina touche les allocs et perso je trouve ça moche. Comme 150 000 euros gagnés sur TF1, on préfère payer des guignols plutôt que les gens dans le besoin. 20h22, un jeune maghrébin a été agressé. Il était avec sa copine et ne faisait que se promener. En chemin, 3 fachos Lacoste le frappa la figure, l'insulte de sale bougnoule et se barre à toute allure. Actuellement, les parents stressent, attendant l'avis du médecin. Les flics sont venus leur poser des questions à propos du gamin. La journaliste dit qu'il avait un joint pré-roulé, manière habile de contourner le problème de base, pas vrai? 20h25, un mauvais souvenir remonte à la surface, une sale période remémorée à cause de traces dégueulasses. On a retrouvé sur une synagogue des croix gammées taillées. En 60 ans, les mentalités n'ont toujours pas évolué. Évidemment, la deuxième guerre nous est rappelée, ainsi que la Shoah. 6 millions de juifs exterminés. Un triste bilan, on peut dire, à cause de la haine. Et un triste constat pour ma part que je fais sur la folie humaine. 20h27, de Malawite est comme d'une peine de prison. Accusés d'être deux hommes vivant ensemble leur passion. Ils auraient violé la nature, ce sont des homosexuels. Ça choque la masse car ce n'est pas chrétien ou naturel. Mais c'est leur choix, c'est leur vie, c'est leur façon de s'épanouir. La concurrence baisse hétéro, tu devrais te réjouir. Les hommes ont peur pour eux en voyant d'autres sans virilité. Ils ont besoin d'être homophobes pour pouvoir s'affirmer. 20h29, cette nuit, en banlieue, ça a pété. Le bilan, vitrine brisée et voiture calcinée. Ça fait pitié de voir comment certaines personnes peuvent agir. Ils pensent faire avancer les choses, seulement ils les empirent. Tu as puni des gens qui n'avaient rien demandé au système. Ne t'étonne pas si envers toi, ils éprouvent de la haine. Tu te prends pour un résistant, t'as mis des gens en danger. Et tu te plains maintenant, victime de leurs préjugés. Alors voilà pour résumer, l'homme est un loup pour l'homme, il n'engendre que des malheurs. Il n'aurait pas dû croquer la pomme, y'a qu'à regarder la télé. Il sait faire tant de ravages, il a souvent l'apparence d'une bête sauvage. Et les médias l'exploitent pour propager la peur, en font du sensationnel, s'inspirant de ses horreurs. Tout ça pour l'appât du gain, à cause des différences. Les gens agissent pour leur gueule ou à cause de leur ignorance. Je t'assure y'a trop de drames, mais pas assez d'allégresse. Obligé de sonner l'alarme, ce monde est en détresse. J'ai peur pour mes gosses, mate l'héritage que nous laissons. Bienvenue là où l'humanité est son propre poids. Alors je viens me confier, je veux rapper mon désespoir. J'ai besoin de partager, de virer ces visions noires. J'ai pas ce tableau sombre, mais je crois encore en l'espoir. Crois-tu qu'il soit possible d'agir, de changer l'histoire ?